devant la boulangerie, il y a toujours deux chevaux attachés au platane et un troisième, cantonné un tiers par la bride. C'est Scipion, le pur sang du marquis. Autour de lui, des commères et des paysans. Le boulanger paraît sur la porte et s'avance. Il examine le beau cheval. Alors c'est ça, Scipion ? Oui, c'est ça. C'est ça le cheval qui aurait soi-disant emporté ma femme ? Non. Pourquoi non ? Il n'a pas une tête à ça. Boulanger, nous comprenons très bien. Vous comprenez rien, fichez-moi la paix à l'affaire, vous entendez? Et puis je vous défends de vous occuper de mes affaires. Laissez-moi m'occuper tout seul. Moi, j'ai laissez-moi travailler. J'ai besoin de faire mon pain. Allez, pas d'affaire au cercle. Bande de feignants, de rigolos. Il rentre brusquement dans sa boutique. Oh, il est pas très bien, hein? Il a l'air tout drôle. Dans le fournil, le boulanger est perplexe. Il prend et quitte mécaniquement des objets dont il ne fait rien. Il erre. Il regarde le trousseau de clés. Il prend un seau et le vide dans le pétrin, un flot d'ordures et de papier froissé en tombe. Non, ça, là, je suis sûr que le sera à la grande messe. Je ne peux pas y aller habillé comme ça.